pas lourd sans faire de Coran. Le secret je l'ai caché à Coran. Confondez pas le requin et la dorade. Moi je l'ai jaloux, niqué vorace. Je déconne du Cap Canaveral. Rejoins le WAP sur Pandora. Maria Guantanamera. Trop de prestance, je suis élégant. Je te sors un col 45 si tu mets les gants. J'ouvre la distance, ils seront relégables. Côte d'Ivoire, Mali, Maghreb, Sénégal. Moi j'ai la rage et le swag d'un félaga. J'fais plus d'illégal blanc comme une djellaba. On ne chasse pas un lion avec un lance-pierre les gars. Faites pas la gueule, H futur monégas. Le chrome est fumant plus que jamais. Chute cette jeunesse hyper gênante. La concu se prend des genoux, souris jaune car c'est la dèche. Y'a du génie, t'imagines pas tout ce qu'on génère. Mais nos ennemis font du déni, dis-leur qu'ils sont plus à la demo. Moi je dis yes. Lapin criminel au fond. On vous avait dit qu'il vivra verra. Je compose des refrains lourds sans faire de Coran. Le secret je l'ai caché à Dora Dora. Confondez pas le requin et la dorade. Moi je l'ai jaloux, niqué vorace. J'ai pas du Cap Canaveral. Rejoins le roi sur Pandora. Maria Guantanamera. Ils se demandent pourquoi je suis si frais. C'est affreux, je les effraie. Après mon crochet, on place une pichenette. Yes. Les faux frères stables pour être tout près de moi au carré vite. Prêt à tout pour vivre dans l'abstrait. Gros son pour les Russes et les Batman. H Magna, le mec a giflé Batman. Pas de mal, j'suis en place jusqu'en Allemagne. Fais pas le mort, j'tiens le mic, Mister Swagman. Une pour mes amis, mes ennemis, les putes, les zoulous, mes homonymes et mes humains. Toutes les nuits blancs sous vos immeubles. Yes. Mène pas ta feu, mais chez nous elle peut finir sous moi. Toi sous alu dans un samu malgré ton allure de sumo. Yes. J'suis doué, j'leur fais mal, ils font tous semblant. Tu m'as vu, j'suis en noir, ils sont tous semblants. Souriez, va le mec, il est fait trembler. Envieux, j'ai le son pour mon assemblée. Ces minables sont dans le trou, essaient de me ressembler. Si je gagne, ils diront, faites le chant fambré. On vous avait dit qu'il vivra verra. J'compose des refrains lourds sans faire de Coran. Le secret, j'l'ai caché à Dora Dora. Confondez pas le requin et la dorade. Moi j'l'ai jaloux, niqué vorace. J'décolle du Cap Canaveral. Rejoins le roi sur Pandora. Maria Guantanamera. Maria Guantanamera. Maria Guantanamera.